Yo. Little Gizmo. Speaker is Bengal. Wesh, elle. C'est le côté noir de Paname. Les gueules, les terrains qui débitent. Les racailles en TN en Lacoste. Les litres de beurre de Toshi. Les pères qui à 6h pile. Commission rogatoire, c'est déjà trop tard. Les T-Max, les rafales en plein jour. Les menteurs, les voleurs, les dealers. Les bécanes, les bavures policières. Les pertes et le bénéfice. Chaque jour que Dieu fait, on prend des risques. T'auras beau crier au secours, aucune aide. Les vestes se retournent. Je viens de là où c'est méchant, mais on s'accroche. Je peux perdre la vie pour la sacoche. Que des têtes cramées sous la capuche. L'impossible devient possible. On rentabilise dans la cam et la musique. Je suis beaucoup moins sensible qu'avant et on se contente plus du minimum. Non. Je suis beaucoup moins sensible qu'avant et on se contente plus du minimum. Je rappe ma vie, le haut, le beat, oh. Tu mes sourires, les coups durs, H24 au charbon. Je rappe ma vie, le haut, le beat, oh. Tu mes sourires, les coups durs, H24 au charbon. Je rappe ma vie et voilà c'est pas marrant. On a vendu de la marron pendant que les autres y mouraient. Je rappe ma vie et voilà c'est pas marrant. On a vendu de la marron pendant que les autres y mouraient. Ça commence par un coup de main, ça finit par un coup de feu. Les traites, les balances et les keufs, c'est ça qui rend soucieux. Et à la cité que des sous-sables, du hall jusqu'au sous-sol. Dans la rue on se fait tout seul, ils font pas dans le social. J'insultais des mères, j'avais 6 ans, j'avais déjà un pet dans mon bocal. Ça sentait bizarre dans le parking, quand ils allaient fumer dans le local. 5 frérots dans la même brochant, 2 poteaux sur la même techa. Un tireur sur la moto, pour des sous faut pas plus que ça. Que des fuckboys, des idées noires comme de l'Afghan. T'es mort si tu vas nous cafter, on t'apprendra quelques pas de danse. Ça décolle dans la cité, moi j'suis posé, j'smoke un joint. Ça vient de Valenton, Barbès, en passant par Porte Saint-Ouen. J'rappe ma vie, le haut, le beat, tu mes sourires, les coups durs, H24 au charbon. J'rappe ma vie, le haut, le beat, tu mes sourires, les coups durs, H24 au charbon. J'rappe ma vie, et voilà c'est pas marrant. On a vendu de la marron pendant que les autres y mouraient. J'rappe ma vie, et voilà c'est pas marrant. On a vendu de la marron pendant que les autres y mouraient.